C'est Beatmaker and Co. Le son c'est thématique. C'est Sky au mic et Monsieur Pounce à la prod. Check ça. Le but, ne pas partir à demi-mot. Chacun son bout du monde, sa foutu mode. Son analyse, ses codes. Moi, c'est un île parmi les autres ici. Dans les mille, un fout la merde. Les mille se vautent, l'ennemi cause à la faute. Nous pauvres cons, sans en causer, on suit et suit nos torts. À coup de loisir, l'oisiveté de la raison invite le mal dans nos maisons. Logis bâtis de briques à brac, inutiles et sans logique. Nos équipements technologiques engendrent la perte de tout principe. Nous émancipent de l'unité. Quel mot bizarre, communiquer et parle encore de communauté. J'ai vu le monde sous un autre angle, un angle mort mondialisé. J'ai vu le monde sous un autre angle, gagner la foi sans m'y attendre. Croiser des mômes qui veulent apprendre, maudit ces lois pour les comprendre. J'ai vu le monde sous un autre angle, gagner la foi sans m'y attendre. Croiser des mômes qui veulent apprendre, maudit ces lois pour les comprendre. Bien sûr le doute persiste, l'alternative hein. Foutu concept, petite démocratie. Entre amis bientôt la pomme. En attendant qu'ils aillent tous se faire mettre. C'est vendu, on perd du l'âme. En même temps que la raison de pouvoir. Un monotoire, des ministres au trottoir. Beaucoup ont le courage d'éviter le gouffre. Se sont pété la gueule, bien mal relevé. Pédé de la veille, métronome bouge avec lui au-dessus la voix de l'homme. Qui se moque du billet, laisse leur croquer la pomme. Les verts les auront au final vu leur curriculum. Cesse le surplace man. Ton vécu rame, arrive au point de non-retour. Le mal devient incurable. Symptômes, consommation, lobotomie et vie récréation. Bref, j'ai vu le monde sous un autre angle. Un angle mort, n'écoute que ceux qui souhaitent comprendre. Peut-être bien que j'ai tort, mais au leurre, je préfère mon décor. Et si c'est ça la vie de rêve, je resterai dans mes cauchemars jusqu'à la mort. J'ai vu le monde sous un autre angle. Gagner la foi, sans m'y attendre. Croiser des mômes qui veulent apprendre. Maudit ces lois pour les comprendre. J'ai vu le monde sous un autre angle. Gagner la foi sans m'y attendre. Croiser des mômes qui veulent apprendre. Maudit ces lois pour les comprendre. Yo, mais qu'est-ce qui se passe? Au fond chacun laisse place à la merde. Audio, visuel, soins ou nutritionnel. Sûr, je referai pas le monde refrain. Mais je tente à mon échelle. Et si vient mon échec, peu m'importe. Puis au fond je dis ça, peu m'écoute, font qu'entendre. Pas venu pour me répandre comme tes pop stars. Là c'est du bon vieux nocif. Monsieur Punk c'est Sky. Décollage immédiat comme Bon Jones de taille. Le son c'est thématique, hip hop systématique. Ça c'est ma thérapie. Beatmaker and Co, c'est Monsieur Punk à la proie. J'ai vu le monde d'un autre angle, gagner la foi sans m'y attendre. Croiser des mômes qui veulent apprendre. Maudit ces lois pour les comprendre. J'ai vu le monde d'un autre angle, gagner la foi sans m'y attendre. Croiser des mômes qui veulent apprendre. Maudit ces lois pour les comprendre. J'ai vu le monde d'un autre angle, gagner la foi sans m'y attendre. Croiser des mômes qui veulent apprendre. Maudit ces lois pour les comprendre. J'ai vu le monde d'un autre angle, gagner la foi sans m'y attendre. Croiser des mômes qui veulent apprendre. Maudit ces lois pour les comprendre.